au bord de la clairière. Mila, tous ces morts. Mila, les rats qui ont contourné nos lignes. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? César est revenu à Eol. Les rats attaquent Eol. Oh non! Ils ont réussi à passer. Ils nous attaquent en plein cœur, quoi. Ben, c'est super, tout marche comme prévu. Bender! Ferme-la, Bender. Mais ben, quoi? Moi, je dis la vérité comme elle vient. Bouze. Je m'en occupe. Bender, moi et les moineaux, on saura plus rapidement à Eol. Essaye au moins de sauver un peu ça. Même si ce n'est qu'un répit. Mina, tu avais raison. T'inquiète pas. Si Eol ne s'était pas défendu de cette façon, le résultat aurait été le même. Un massacre. Tu nous as juste donné à tous un peu d'espoir. L'espoir, ce n'est pas la victoire, Booze. Si Ratis doit gagner, eh ben, il gagnera. Au moins, tu auras tout fait pour que ça ne soit pas le cas. Tout fait. C'est peut-être une maigre consolation. Mais si tu n'avais pas été là, il y a longtemps que Ratis aurait laminé Wish City. Merci, Booze. Bender ? Quoi encore ? J'ai rien dit cette fois. Et elle a besoin d'une chauve-souris Top Gun. Je compte sur toi. Ah, ce discours-là me plaît. Monte sur mon dos, mon gars, et décollage ! Bah, les fouiches. C'est fini, Squeak. Ce sera fini quand tu m'auras tué. Oh, mais ça ne va pas tarder, petit Baef Wesh. Stock, parade, stock, le duel n'en finissait pas. Nous tournions en rond, frappant nos lances l'une contre l'autre sans jamais toucher l'adversaire. D'un coup franc, j'ai réussi à pointer ma lance vers le torse de Ratis. Une griffe précise, il réussit à repousser l'attaque et balaya mes jambes d'un coup de lance. J'ai tombé à terre, le souffle coupé par le choc. Il tourna sur lui-même et planta sa lance dans mon épaule. Ça ne va pas tarder. Il la retira d'un coup sec. Allongé sur le sol, j'ai porté une main tremblante sur ma blessure. Elle était vive, brûlante. Le sang coulait sur mon armure en coquille de noix. Elle n'avait pas servi à grand chose. Elle avait visé juste. Et mon dentier tremblait autour. Tu la ressens, Squeak? La douleur. Elle part d'une simple blessure étonnamment précise et s'étend dans ton corps tout entier. Comme si c'était lui finalement qui hurlait et non pas ta gorge. Tu sens ce que j'ai ressenti pendant de longues années, jour après jour, piqûre après piqûre. Ils m'ont infesté, Squeak. Ils m'ont pénétré de tous côtés avec leur substance nauséabonde. Tu la sens, la douleur, Squeak? Ça te prend tout entier, ça te torture. Et le soir, quand la plaie te picote, ton corps se souvient de ta violente brûlure. Ton corps se souvient. Tu t'en souviendras, Squeak? Non, car je vais te tuer. Je ne suis pas si cruel, Squeak. Je pourrais te laisser vivre et tester sur toi tout ce que je veux apprendre. C'est ça la cruauté, Squeak. Je ne suis pas le monstre que tu crois voir. Au bord de la clairière. Mila, devons-nous sonner la retraite? Ah, oh, non. Booze va sauver Eol. Et ici, le combat doit durer jusqu'à la dernière minute. Il nous faut y croire. Mila, nous n'avons plus aucune chance. Nous n'en aurons aucune, même si nous sonnons la retraite. Reprenez vos positions et préparez-vous à ce que les rats déferlent sur vous. Bien, Mila. Écureuil, tous en poste, pour l'honneur des nôtres qui se battent là-bas. Parce que nous sommes petits, nous pouvons faire de grandes choses. Parce que nous sommes petits, nous pouvons faire de grandes choses, Ratis. Parce que personne ne croit en nous, nos fées deviendront grands. Parce que l'espoir n'existe plus, nous le réinventerons. Parce que je crois en eux autant que je crois en moi. Parce que la vie ne vaut pas d'être vécue si nous ne croyons pas en quelque chose. Parce que nous devons nous battre pour ce que l'on croit. Parce que nous croyons, c'est pourquoi nous nous battons. Cause toujours. Parce que la taille ne compte pas, parce que le nombre compte. Parce que nous croyons nous battre pour des choses qui valent le coup. Parce que le monde nous appartient, Rastis, qu'il soit sous terre ou au-dessus. Parce qu'il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. Nous aurons au moins dans nos cœurs la certitude d'être morts pour quelque chose qui en valait la peine. Et même si je meurs... Ratis s'approchait de moi, lance en main, prêt à fondre de nouveau sur mon corps meurtri, jonchant le sol. Je n'aurais pas si peur, car je sais que j'aurais une raison d'exister. Une seule raison, combattre le mal que tu représentes. Alors regarde bien le mal dans son œil unique, Squeak. car lui va se délecter de te regarder mourir. Bye, Fouiche.